leur diagnostic jusqu'à l'après-traitement. En fait, je suis joignable donc quotidiennement. Dès qu'elles ont une question, un souci d'organisation ou besoin de parler à un médecin, en fait, elles peuvent me joindre et moi, je les renvoie directement vers les bons prestataires, que ce soit médico-sociaux. C'est quoi ? Alors, j'imagine que là, en plus, alors on est en plein mois d'octobre rose, il y a un programme assez chargé, j'imagine, Charlotte, pour l'association ? C'est bien ça. Donc, en fait, on fait, en même temps, on fait valoir aussi tout le bien qu'elles pourraient avoir dans leur parcours, donc les orienter vers et les faire connaître de nombreuses associations, que ce soit les associations de sport ou les associations après de bien-être. Donc, par exemple, on a fait venir une coach pour faire de la Zumba, on va faire venir Moselle Move, ou ça soit le réseau du kiné du sein. Donc, vraiment pour les informer que le sport aussi est quelque chose de très important dans le parcours du sein. Et en même temps, faire connaître les autres associations en dehors, que ça soit pour les loisirs ou pour le bien-être. C'est assez dingue, Charlotte, parce qu'on pourrait se dire qu'au niveau médical, il y a un accompagnement quand même, il y a un suivi. Et là, en fait, vous nous dites que l'association sert vraiment à informer, à accompagner ces femmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Enfin, sur le parcours de soins, il n'y a pas de suivi forcément, c'est ça ? Disons qu'elles voyaient à chaque fois chaque partenaire, chaque médecin, mais c'est toutes les questions qu'elles peuvent avoir entre leurs rendez-vous. Ou certaines personnes, on a pu remarquer aussi, qui étaient seules, qui sont quand même désorientées, qui sont quand même assez bouleversées et qui n'osent pas aussi poser toutes leurs questions aux des professionnels. Et puis après, le manque d'informations qui peut aussi y avoir à côté. Évidemment. On parlait de ce mois d'octobre rose, Charlotte. Est-ce qu'il y a des manifestations, des rendez-vous, par exemple, prévus avec vous, avec l'association, ces prochains jours ? Oui, alors ça se passe du coup dans l'enceinte de la clinique. Donc du coup, le 20 octobre, par exemple, il y a l'association des Dames de Cœur qui viennent, elles se présentent, et en même temps, on fait un atelier thérapeutique avec elles. Il y a les chapeaux de Martine, il y a tous les prestataires à côté. Il y a le réseau du kiné du sein qui vient faire aussi un atelier pour parler de l'activité sportive après cancer. Toutes les activités justement qu'on peut faire et qui est très importante aussi dans la façon de se mobiliser. Merci beaucoup Charlotte. On rappelle que vous êtes assistante de parcours pour Feminae, Institut du sein de Moselle. Vous avez justement les dates des prochains rendez-vous sur le mois d'octobre, tout le programme, toutes les infos et tout ce que vous avez besoin de savoir sur la page Facebook Feminae, Institut du sein de Moselle. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. À très bientôt. 16h19 sur France Bleu Lorraine. Cette interview, vous la retrouvez en replay sur francebleu.fr. Dans un instant, on vous parle de la journée nationale de la réparation et notamment de la possibilité d'allonger la durée de vie de certains de vos appareils, comme par exemple vos ordinateurs portables. Surtout que ça coûte un bras. Tout ce que vous avez à savoir après Julien Doré sur France Bleu Lorraine. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. J'ai le spleen, ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Ton corps.

faire des kilomètres. Ça fait éteindre des abat-jours. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jours. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Vous avez remporté vos places VIP en écoutant France Bleu Lorraine. C'était Christophe Maé à l'instant, en duo avec Amadou et Mariam. Vos places pour les plus beaux concerts, les plus beaux spectacles se gagnent en écoutant France Bleu Lorraine. Dans un instant, un tour sur nos routes en Moselle et sur le rail. On va voir comment ça se passe ce mercredi après-midi. Vous écoutez la radio pour vous informer. C'est la première fois que le prix du panier France Bleu diminue. Vous êtes bien sur France Bleu Lorraine. Il y aura dans moins de 10 ans beaucoup plus de Luxembourgeois qu'aujourd'hui. France Bleu Lorraine, toute l'actualité qui vous concerne. France Bleu, il n'y a pas mieux. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Lorraine, ici, on parle d'ici. Bienvenue sur France Bleu Lorraine, bel après-midi avec nous, 16h30. Je vous rappelle ces difficultés sur le rail cet après-midi et au moins jusqu'à 18h15. La circulation interrompue dans le sens Luxembourg-Metz, puisqu'on a un train de marchandises qui est en panne. Il n'y a pas de substitution routière prévue par la SNCF. Donc voilà, dans le sens Luxembourg-Metz, panne d'un train de marchandises et plus aucun train ne circule dans ce sens de circulation. Il y a quelques suppressions aussi d'ailleurs entre Metz et Luxembourg depuis la gare de Metz. Du coup, le 16h46, par exemple, est supprimé en cette fin de journée. Pour le moment, le Metz-Luxembourg de 17h03 a l'air de passer. La météo 100% locale avec le 77-17 Hôtel et Spa à Hautrotte pour un séjour romantique ensuite avec spa privé ou pour une journée spa. Info sur 6717hotelspa.com. Évidemment, si je vous parle pas de ce qui se passe sur la route cet après-midi, c'est parce que ce sont les ralentissements habituels, notamment entre Entrange et hauteur du pont de Beauregard à Thionville. Le temps, et c'est sur la 31 évidemment, le temps sec pour cet après-midi avec, c'est bon, on a eu des belles éclaircies. Ça va se couvrir quand même là sur cette fin de journée avec quelques gouttes de pluie attendues près du Luxembourg et sur le pays des étangs. On a 13 degrés à Hennery et Boucheporne cet après-midi, 14 degrés à Forbach et Moulins-les-Metz. On attend 7 à 10 degrés pour cette nuit. C'est un petit peu plus doux quand même que ces derniers jours. Avec encore une fois quelques gouttes de pluie attendues dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis demain, le temps assez variable. Quelques éclaircies, des nuages, des averses localisées et les températures qui remontent. On aura entre 16 et 19 degrés pour les maximales. Bel après-midi, bon mercredi à l'écoute de France Bleu. Info, musique et bonne humeur, le 16-17 France Bleu Lorraine. Nicolas Bille. Avec dans le prochain quart d'heure, nous qui allons venir à votre rencontre, vous demander quels sont vos bonheurs du quotidien. Une passion, un film, un livre, un hobby, vous nous racontez tout au micro de France Bleu Lorraine. On fera la rencontre de Lucas Fanchon dans le prochain quart d'heure. Vous le connaissez peut-être en Moselle parce qu'il est auteur, compositeur, interprète. Je rends les âmes. Les petits bonheurs de Lucas Fanchon, c'est à découvrir d'ici 17h, d'ici 16h45, là, sur France Bleu Lorraine. Avant ça, on partira, nous, dans les salles obscures. Aujourd'hui, c'est mercredi, il y a un film à ne pas manquer, le nouveau Scorsese, avec DiCaprio et De Niro. On vous en parle avec Marcel, du cinéma Le Paris à Forbach, juste après David Guetta, sur France Bleu Lorraine. Sur France Bleu Lorraine, David Guetta. Si vous aimez ce genre de souvenirs, vous aussi, bah venez nous raconter les vôtres. Venez nous dire quels sont les titres que vous aimeriez entendre sur l'antenne de France Bleu Lorraine. Chaque jour, vous faites la programmation musicale à 17h45. L'inscription, dès maintenant, sur simple appel. C'est au 03 87 52 13 13. Allez, nous prenons la direction du cinéma Le Paris à Forbach où nous attend Marcel Fénard. Bonjour Marcel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, c'est mercredi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de beau à découvrir dans les salles de cinéma, Marcel ? Eh bien, le dernier film de Martin Scorsese, Killers of Flower Moon, avec Leonardo DiCaprio, rien que ça, Robert De Niro, rien que ça, et Lily Gladstone, qui est magnifique dans le film. Alors, il s'agit d'un film qui se passe au début du XXe siècle. Le pétrole a apporté la fortune au peuple osage, les Indiens, qui, du jour au lendemain, ils sont devenus les plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise des Blancs, peu recommandables, qui intriguent, soutirent, se marient pour avoir des femmes indiennes et leur piquent leur fric et leur argent, et avec une multitude de meurtres. Alors, deux acteurs fétiches de Scorsese, c'est aussi Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Ils ont tourné pas mal de films ensemble. Et il s'agit d'un film qui ressemble à un western, en fait. Et il est très fier d'avoir fait ce film, Scorsese, parce qu'il a toujours voulu faire un western. C'est un western du début de la modernité et de la nouvelle génération. Et le film est magnifique. 3h26, rien que ça. Mais on ne voit pas le temps passer. Très belle réalisation. À l'image des Affranchis ou des Nerfs à Vif, de ces films comme Raging Bull ou La Valse des Pantins, Gang of New York ou Aviator, Les Infiltrés, tous des grands films, et celui-là, il a sa place au soleil. Et nous avons aussi des films en dessin animé pour les enfants qui sont Les Trolls et Pat Patrouille. Ah oui, et qui cartonne aussi au cinéma qui en ce moment. Aussi au cinéma. Voilà. C'est super, en tout cas, le dernier Martin Scorsese à découvrir, Killers of the Flower Moon, avec, vous le disiez, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Et alors, chapeau quand même pour Martin Scorsese qui a 80 ans et qui a encore une sacrée énergie, hein, Marcel. 80 ans, il a, oui. Ouais, c'est impressionnant. Si vous souhaitez découvrir ce que c'est, ce film, écoutez un extrait de la bande-annonce. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au bercail. T'as bien fait de revenir ici, parce qu'ici, les osages sont les meilleurs, les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. T'aimes les femmes? C'est mon grand péché. Le nouveau Scorsese, coup de cœur du jour. Merci beaucoup, Marcel. À très bientôt, belle journée à vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir et direction le Paris de Forbach, séance à 20h aujourd'hui. Tous au cinéma avec France Bleu. Action. Ah, c'est vrai qu'il a l'air superbe celui-là. On vous a mis l'eau à la bouche en vous parlant de ce nouveau film de Martin Scorsese qui était très attendu. Déjà parce que c'est du Scorsese, qu'en général on sait qu'on n'est pas déçu. Mais en plus, le casting, comme vous le disait Marcel, est 5 étoiles, hein. De Niro, DiCaprio, bah vos places pour aller voir ce film ou pour aller découvrir la nouvelle Pat Patrouille au Paris de Forbach ces prochains jours ou pendant les vacances d'octobre, eh bien ça se gagne maintenant en nous appelant 03 87 52 13 13. Bonne chance et on attend vos appels juste après Florent Pagny sur France Bleu Lorraine. Dors, oublie les blessures, lâche du temps. Ne réveille pas tes yeux d'océan. Dors, laisse ton âme libre au désir que tu crois. Garde ta flamme vive, je serai toujours là, même si tu ne me vois pas. Ma petite fée, mon cœur, mon ange. Dors. Laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Je veillerai sur tes pas, je serai près de toi. Oh, je te promets que si un jour tu tombes, ce sera dans mes bras, aussi longtemps que tu le voudras. Dors, laisse les étoiles te sourire. que j'ose enfin te dire le trésor que cachent tes avances quand tu laisses glisser les draps. Quand tu m'offres une chance de partager avec toi tous les voyages que je ne ferai pas. Sur France Bleu Lorraine, vous avez pu le voir en pleine forme lors de son concert dans le cadre du Nancy Open Air. C'était au Zénith de Nancy cet été. Florent Pagny, artiste France Bleu, s'il vous plaît. 16h44, Martine est à Forbach. Bonjour Martine. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? Bien, merci. Bon. Ben, ça va super aussi. Martine, on vous offre vos invitations pour le Paris de Forbach pour aller voir le film que vous voulez, à la séance que vous le souhaitez et avec la personne que vous voulez. Bravo Martine. Mais je vous remercie. Je remercie France Bleu et je vous remercie Nicolas. Ah ben, c'est moi qui vous remercie de votre fidélité Martine. Quel est le film que vous avez envie d'aller voir plus que tout là en ce moment dans les salles? Le film, mais je parle pas anglais, donc avec... Ah oui, alors attendez, je vais essayer de vous le faire. Killers of the Flower Moon. Oui, voilà, oui. C'est ça. Bon, c'est De Niro et DiCaprio, on va se contenter de ça. C'est oui, le film c'est avec eux, et c'est le nouveau Scorsese. 3h26 de film, et apparemment à ne pas manquer. Je vous embrasse Martine, à très vite. Moi aussi, je vous embrasse. Bonne soirée. À très bientôt. 16h45 dans quelques secondes. Dans un instant, les petits bonheurs de Lucas Fanchon au micro de Valérie Pierson. Tous les jours sur France Bleu Lorraine, on écoute votre chanson préférée. Le tube de... C'est une chanson qui parle à tout le monde, qui véhicule un message positif, un message d'espoir aussi, qui indique que malgré les difficultés de la vie, ben, il faut voir toujours les choses positives et puis simplement apprécier les choses simples de la vie. Pour faire comme Jérôme Demest, inscrivez-vous dès maintenant. 03 87 52 13 13 ou sur nos réseaux sociaux. Le tube 2, du lundi au vendredi à 17h45 sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la radio du bonheur. Info, musique et bonne humeur, le 16-17 France Bleu Lorraine. Et tous les jours sur la radio du bonheur, justement, on met un coup de projecteur sur ce qui vous rend heureux dans la vie. Valérie Pierson part à votre rencontre pour en savoir plus sur vous. Et alors aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de Lucas Fanchon. Il est auteur, compositeur, interprète mosellan. Il est surtout passeur de voix. Il nous parle de ses petits bonheurs et nous donne une recette. On écoute l'artiste à votre micro, Valérie Pierson. Salut France Bleu Lorraine, ici Lucas Fanchon. Mes petits bonheurs sont multiples, mais le premier petit bonheur, c'est quand j'ai la possibilité de regarder le monde autour de moi avec des yeux joueurs. À chaque fois que je regarde le monde, que je suis dans cet état d'esprit, alors je vis du bonheur. On est à Metz-Centre sur les collines de Sainte-Croix, on est entouré d'écoles. Pour toi, c'est la vie? Ce qui me plaît, c'est d'entendre des gens chanter, des gens siffloter, des gens utiliser leur voix pour faire passer un message, pour se faire plaisir et pour partager quelque chose. Ça, c'est vraiment un bonheur que j'ai, c'est d'écouter l'histoire de la personne derrière sa voix. Mais moi, la voix, c'est mon métier depuis longtemps. Je suis chanteur, donc forcément, c'est un truc important. J'ai travaillé la voix depuis très longtemps. Et puis aujourd'hui, j'accompagne les gens pour oser leur voix. Donc en fait, pour vraiment être eux-mêmes au travers de leur voix, parce que la voix VOX nous relie directement à la voix VOIE, c'est-à-dire le chemin qu'on prend dans la vie. Et je le vis de plus en plus, tous les jours. Quand je vois les gens, plus ils expriment leur voix, plus ils commencent à aimer leur voix, mais plus ils commencent à aimer leur vie et ils trouvent de la joie, donc du bonheur. c'est comment on peut faire de la vie un jeu plus qu'un enjeu. Et c'est ça que j'essaie de me rappeler tous les jours, c'est ok, qu'est-ce qui va m'émerveiller dans cette journée aujourd'hui? C'est un peu une question qu'on se pose avec mon amoureuse, parce que mon amoureuse m'émerveille beaucoup et m'apporte beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'émerveiller dans cette journée aujourd'hui? Et de partir avec cet adage-là le matin, ça change beaucoup de choses, ça change vraiment la vibe et la fréquence de la journée. Avec toi Lucas Fanchon, est-ce qu'il y a une chanson qui n'est pas de toi que tu aimes bien? Alors, faudrait que tu sois dans le ton de la corneille là. Been thinking about you, your records are here. Your other on my wall, your teeth are over there. But I feel no one, and you're not a star. What do you care? Une vieille chanson qui s'appelle Been Thinking About You de Radiohead, de Thom Yorke. Quand je les ai découvertes, c'était en 92 ou 93. Donc oui, on était au siècle précédent, on peut le dire. Et c'est un groupe qui m'a toujours suivi et qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de chanter. C'est avec eux que j'ai appris à faire de la guitare. Je les ai rencontrés plusieurs fois, je les ai vus en concert plein de fois. Une profonde admiration pour ce groupe-là. Donc j'ai de temps en temps des petites chansons qui débarquent, qui reviennent comme ça dans ma tête. Alors qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs et auditrices justement pour leur donner ce petit élan de chaque jour? Tout simple, la phrase que je t'ai dit au début, là vraiment qui est une phrase vraiment puissante, c'est « Ah yes, comment est-ce que cette journée va pouvoir m'émerveiller aujourd'hui ?» Et que ce soit juste une évidence qu'il va y avoir des merveilles. Lucas Fanchon au micro de Valérie Pierson. Vous restez avec nous dans un instant, on remonte en 1887. C'est l'année où est arrivée sur la table la première bouteille de magie. On la sort en cette fin de journée pour assaisonner nos plats. Et puis on vous parle, nous, de cette institution en Moselle avec Nicolas Turon. Après Christophe Willem sur France Bleu Lorraine. Bonne fin l'après-midi. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents. Mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Le concert de la fin mars est complet à Sarreguemines. C'était Christophe Willem sur France Bleu Lorraine. Le Dico de Nico sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine. Il vient tous les jours avec son dictionnaire de la Lorraine, Nicolas Turon, accompagné de Fred Vialet, fidèle au poste. Et aujourd'hui, Nicolas, on s'arrête sur la lettre M comme magie. Oui, comment vous prononcez-vous, Magie ou magie? Magie. Magie le jour, magie la nuit, oui. C'est un poème. Tous les Mosellans sont magiciens, puisqu'ils donnent un tour de magie à leur assiette quand vient l'heure du souper. Ah. Preuve qu'il est utile de ramener son grain de sel ou de cracher dans la soupe, j'en ai fait un métier, du moment que ça lui donne du goût. Le précieux arôme est conditionné dans une bouteille iconique, qui a la forme d'un Michel Platini en fin de carrière, habillé de sa mythique étiquette rouge et jaune, cousine du cubord et du maillot lensois. Coquetterie dans le pays messin, le magie devient la norme une fois passée la barrière de péage de Saint-Avold. On le trouve alors partout, dans les soupes, les salades, les bouillons, les biberons. C'est notre exhausteur à nous. Les Bretons ont le beurre de micel et la forêt de Brocéliande. Oui. Les Japonais ont le mont Fuji et la sauce teriyaki. Nous avons le Beecherland et le magie. Ou magie. 30% des ventes françaises de magie se concentrent en Alsace-Moselle. Nous sommes donc, ouvrez les guillemets, grands consommateurs de magie. Les champions. Ouais, entendu comme ça, ça nous confère un petit côté magicien. Avec Malbrook en guise de Poudlard, qui nous protège des mange-morts germano-luxembourgeois. Magie est une marque patronymique, c'est-à-dire que c'était un nom de famille à la base. Ouais. Vous connaissez le nom du monsieur ? Non. Julius Magie a inventé la recette en Suisse à la fin du 19e siècle pour accompagner l'essor de la soupe en poudre qu'il avait également inventée, mais qui était rejetée par les ménagères parce qu'elle était trop fade. Avènement de la soupe réclamée par le gouvernement qui s'inquiétait de la santé publique d'une population qui se nourrissait exclusivement de pommes de terre et de schnapps. Ah oui, c'est bien ça. Je vois pas où est le problème, répondent les Sturzelbrunois ou les Sarreguemines. La recette du magie est gardée secrète, enfermée dans un coffre du Crédit Suisse encore de nos jours, et c'est normal, un magicien ne relève pas ses tours. Comme tous les marqueurs régionaux, le magie est un outil de nostalgie pour les expatriés. Il suffit de croiser un flacon de magie n'importe où dans le monde hors de Moselle pour qu'aussitôt on cherche le Mosellan qui l'a posé là. Il est où mon copain? Nous devenons alors citoyens nostalgiques du Magistan. C'est situé juste à côté de la Piconie, autre pays de l'or noir dans lequel les liquides de couleur charbon qui résultent de l'essorage du blé, là où on n'a pas de pognon, n'effraient personne. Prestidigitateur des mots. Oh là là. Nicolas Turon, qu'on retrouvera demain. À demain, monsieur le magicien. À demain, dès 6h50 sur France Bleu Lorraine. Bienvenue sur France Bleu avec Prince tout de suite. Écoutez, vous êtes sur France Bleu Lorraine. I never meant to call you when you're sorrow. I never meant to call you when you're pain. You're such a seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you. Que c'est bon ça, Prince, Purple Rain sur France Bleu Lorraine. Dans un instant, ça aussi c'est bon, on va jouer ensemble avec le patrimoine lorrain. Oui ou non, avec ce mercredi une toute nouvelle énigme, puisqu'on a retrouvé le lieu du 54 hier, hein, c'était la brasserie L'Excelsior. Nouvelle enquête dans les prochaines minutes, et cadeau à remporter, 4 places pour aller au parc animalier de Sainte-Croix ces prochains jours. On vous dit tout après le journal de 17h. À la recherche du schlouk, on joue, on gagne tous les matins. 11h midi. Salut les schlookers. Ilan Malka. Si vous venez jouer au schlook, cette semaine vous vous qualifiez pour le grand tirage de vendredi. Vous pouvez gagner un séjour pour deux au cœur de l'Alsace, à la Chenaudière. Hôtel 5 étoiles, vous dormirez en grande suite, aurez accès au spa, au restaurant, au petit-déj. Donc ça vaut le coup de jouer, non? Qu'est-ce que vous en dites? À la recherche du schlook, tous les jours dès 11h, sur France Bleu Lorraine. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Les gentils monstres et sorcières s'invitent au parc animalier de Sainte-Croix. Pendant les vacances de la Toussaint, Sainte-Croix met à l'honneur les créatures fantastiques et vous réserve des aventures monstrueusement amusantes. Nouveaux spectacles et jeux de piste, maquillage effrayant, repas des animaux avec des citrouilles. À Rhodes en Moselle, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Promotion web exclusive pour tout achat de billets en ligne. Conditions et réservations sur parcsainte-croix.com. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Lorraine. Bon mercredi, belle fin d'après-midi avec nous sur France Bleu, il est 17h. Bonjour Thomas Lavaux. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quelle météo pour ce mercredi soir. Eh ben, ça va se couvrir hein, sur cette fin de journée avec quelques gouttes de pluie attendues sur le Luxembourg, sur le nord du département et sur le pays des étangs. On a encore 12 à 14 degrés pour les températures. Là, le détail est à suivre dans un instant. Thomas, un groupe français veut investir 450 millions d'euros à Carlin. Oui, ce groupe s'appelle Verso Energy. Il est spécialisé dans la production d'hydrogène. Un élément chimique très en vogue, Verso Energy aimerait construire son site de production mosellan pour 2027. Sa production serait destinée aux entreprises locales, mais certaines entreprises allemandes sont déjà intéressées. Écoutez Antoine Huard, c'est le directeur général du promoteur. Le territoire de Carlin est un territoire particulièrement propice à l'implantation d'unités de production d'hydrogène. D'une part parce que c'est un territoire qui a une histoire industrielle dans lequel on peut trouver des compétences, une infrastructure, du foncier, une disponibilité, aussi une acceptabilité peut-être plus propice de la part des acteurs locaux. Mais c'est aussi un territoire frontalier qui est raccordé à un projet d'infrastructure très important qui est le projet Mosaïque, c'est-à-dire un tuyau, une canalisation qui va transporter de l'hydrogène sur le territoire et qui va être transfrontalier avec l'Allemagne et le Luxembourg. Et ce projet-là va être très important parce qu'il va permettre de pouvoir connecter les producteurs d'hydrogène, et il va y en avoir un certain nombre, et puis les consommateurs d'hydrogène qui sont essentiellement des industriels qui vont avoir besoin de cet hydrogène pour se décarboner. Et c'est quand même mieux d'utiliser de l'hydrogène produit localement que d'importer du gaz ou du pétrole de Russie ou du Moyen-Orient. Antoine Huard, présent à Carlin tout à l'heure à l'occasion du lancement de la phase légale de consultation publique qui devrait durer 2 mois. Le site pourrait voir le jour tout près de la centrale à charbon Émile Huché. La guerre entre Israël et Gaza, Joe Biden se trouve à Tel Aviv. En ce moment, le président américain vient d'annoncer qu'Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire au plus vite dans les territoires palestiniens actuellement bombardés. Il a également rappelé que la plus haute priorité du moment était la libération des otages, toujours retenus par le Hamas. Plusieurs Français seraient encore retenus dans la bande de Gaza, selon Elisabeth Borne. La première ministre a donné un dernier bilan de l'attaque terroriste du 7 octobre dernier. 24 Français sont morts et 7 sont toujours recherchés. Israël et le Hamas qui continuent de se rejeter la responsabilité de l'explosion qui a frappé un hôpital de Gaza hier soir, qui a fait 471 morts au moins selon le ministère de la Santé du territoire palestinien. Plusieurs pays arabes accusent ce mercredi Israël qui réplique en parlant d'un tir de roquette du djihad islamique. Plusieurs aéroports français temporairement évacués aujourd'hui. Oui, Toulouse, Beauvais, Bordeaux ou Pau, mais aussi Strasbourg-Ensheim restés à l'arrêt pendant 3 heures, le temps de faire des vérifications après la réception de mails de menaces. À Strasbourg, le trafic a pu reprendre en début d'après-midi. Le retour à la maison est très compliqué pour les milliers de travailleurs frontaliers qui se rendent au Luxembourg par le train. Depuis 15h30, la panne d'un train de marchandises paralyse la circulation entre Luxembourg et Metz. La SNCF n'annonce pas de circulation avant au moins 18h15 et aucune substitution routière n'est possible. Pas de car, donc, précise la SNCF sur ses réseaux sociaux. 17h03. Un tour compliqué par le rail sur la route. Comment ça se passe, Nicolas? C'est très chargé aussi, Thomas. Des difficultés déjà dès l'aire de Berchem jusqu'à Bettembourg sur la 3 dans le sens descendant. Difficultés aussi une fois passé la frontière et une fois sur la 31. 11 km de ralentissement, 15 à 20 minutes de temps de parcours supplémentaire. C'est ce qui vous attend entre Entrange et hauteur de Thionville. Et puis toujours quelques ralentissements à hauteur de la Croix de Concours. Mais pour le coup, ça roule un petit peu mieux dans ce secteur. On attend vos précisions, vos temps de parcours et vos difficultés au 03 87 52 13 13. La météo 100% locale avec le 67 17 Hôtel et Spa à Hautrotte pour un séjour romantique ensuite avec spa privé ou pour une journée spa. Info sur 6717hotelspa.com. Le temps sec cet après-midi, on a eu quand même de belles éclaircies dans l'ensemble. C'est un petit peu plus couvert sur cette fin de journée et on attend plus de ça quelques gouttes de pluie sur le Pays des Étangs et sur le Luxembourg. Les températures, 14 degrés à Talange ou encore à Thionville. On a 12 degrés en cette fin de journée sur Boulay-Moselle et sur Alzin. La pluie s'invite aussi pour cette nuit sur le département. Les températures un peu meilleures quand même que ces derniers jours pour la nuit. 7 à 10 degrés en moyenne. Et puis demain, ce qui nous attend, c'est un temps variable. Nuages, éclaircies, averses. Ce sera très localisé. Les températures remontent autour de 19 degrés demain pour les maxis. Belle fin d'après-midi avec nous sur France Bleu Lorraine, 17h05. France Bleu Lorraine, jusqu'à 17h30, on joue avec le patrimoine lorrain. Le oui ou non, Nicolas Bille. Merci de votre fidélité à France Bleu, fidélité qui sera récompensée pour vous qui nous écoutez, puisque chaque jour, on part ensemble à la recherche de quelque chose de lorrain. Et lorsque vous le trouvez, vous remportez un superbe cadeau. Le cadeau de la semaine, je vous le présente. Justement, ce sont des entrées pour aller au parc animalier de Sainte-Croix à l'approche d'Halloween, à l'approche des vacances de la Toussaint. Le parc vous propose des décors magnifiques, plein d'animations aussi pour passer un bon moment en famille. Et vous irez ces prochains jours, 4 places pour le parc de Sainte-Croix si vous me retrouvez la bonne réponse à l'énigme du jour. Jusqu'à 17h30, on joue avec le patrimoine lorrain. Je dis nouvelle énigme parce que hier nous avons enfin mis la main sur ce lieu qui avait un lien avec l'Art Nouveau qui se trouvait à Nancy, un lieu qui est une institution dans le 54 et qui était donc la brasserie L'Excelsior. Si vous nous rejoignez cet après-midi, ça a été trouvé. L'Excelsior qu'on retrouve juste en face de la gare qui est magnifique, on y mange bien en plus de ça. Et l'Excelsior, on l'appelle aussi la brasserie Flo. Voilà, que si jamais vous posez la question. Bravo en tout cas à vous qui avez trouvé hier la bonne réponse et qui êtes reparti avec 4 entrées pour le parc animalier de Sainte-Croix. Nouvelle journée, nouvelle énigme. Cette fois-ci, on va partir à la recherche d'une personnalité lorraine, peut-être même mosellane. Mais j'attends vos questions, j'attends également vos propositions, les toutes premières. N'hésitez pas à prendre le téléphone, on vous attend au 03 87 52 13 13. 17h07, bienvenue sur France Bleu. À l'instant sur France Bleu Lorraine. 17h09, si vous allez faire un tour sur francebleu.fr, vous pourrez en savoir plus sur le nouveau film de Christophe Baratier qui s'appelle Comme par magie. Alors Christophe Baratier, on le connaît notamment grâce au Choriste ou encore à Faubourg 36. Là, c'est un film Comme par magie qui sortira avec France Bleu le mois prochain, le 15 novembre. Gérard Jugnot et Kev Adams se donnent la réplique et je vous en parle aujourd'hui parce que la bande-annonce vient tout juste de sortir. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider. Surprise ! Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui. Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière. J'ai un vrai savoir-faire avec les enfants. Kev Adams, c'est Gérard Jugnot. Comme par magie, ça sort avec France Bleu au cinéma le 15 novembre. La bande-annonce est sortie hier et vous la retrouvez dès maintenant en ligne sur notre site francebleu.fr. Sur notre site francebleu.fr, on vous présente aussi le parc animalier de Sainte-Croix, les 1500 animaux qu'on peut voir en semi-liberté sur le parc, et puis les lodges qui vous permettent de vous faire une nuit insolite face aux loups, par exemple. Nous, cet après-midi et tout au long de la semaine, on vous offre vos 4 entrées, vos 4 places pour profiter de Sainte-Croix pendant ces vacances de la Toussaint, d'autant plus que le parc se met en mode automne et Halloween avec tout un tas d'animations à découvrir sur place. Alors évidemment, ces 4 invitations, elles ne se remportent pas comme ça sur simple appel, il faut jouer avec nous, prendre le téléphone, composer le 03 87 52 13 13 et puis nous retrouver cette personnalité lorraine que nous recherchons ce mercredi. Si vous avez une idée, peut-être déjà d'éliminer, puisqu'on sait que c'est un personnage, une personnalité lorraine, peut-être déjà située dans quel département il se trouve, dans quel département il est né. Là pour le coup on vous attend, 03 87 52 13 13 et j'espère que nous aurons un ou une gagnante aujourd'hui. 4 places pour le parc de Sainte-Croix, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Le week-end, France Bleu Lorraine vous aide à prendre soin de votre chez vous. Même pour l'automne, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Le samedi, on jardine. J'ai un problème avec mes deux cognassiers. Et le dimanche, on bricole. La couleur est essentielle pour mettre de bonne humeur. Astuces, conseils, tutos. Nos spécialistes partagent leur savoir-faire et répondent à vos questions. Merci pour vos émissions, c'est magnifique. À votre service, le week-end, à la maison. C'est samedi et dimanche, dès 9h, sur France Bleu Lorraine. Et on réécoute quand vous voulez sur francebleu.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parent-enfant et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. C'est fou, c'est totalement fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Chez Luxair Tour, c'est la folie des promos d'hiver. Il y a jusque 200 euros de réduction sur les forfaits vacances vers La Palma, le Cap Vert, la Tunisie et bien d'autres destinations pour voyager du 1er décembre au 31 mars. Waouh, à nous le soleil cet hiver. Vite, on a jusqu'au 19 octobre. On y va. On réserve où? Sur luxairtour.lu ou en agence de voyage? Luxair Tour, voyagez en bonne compagnie. Des cadeaux et du patrimoine. Le oui ou non, le oui ou non, jusqu'à 17h30 sur France Bleu Lorraine. Avec aujourd'hui et tout au long de cette semaine, 4 entrées pour le parc animalier de Sainte-Croix à remporter. Si vous me retrouvez, cette personnalité qui est passée à un moment donné de sa vie par la Lorraine, mais où précisément, on va essayer d'en savoir plus. Avec vos questions au 03 87 52 13 13 pour se rapprocher de la bonne réponse. À Thionville, c'est Roland qui nous a appelé. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Comment allez-vous à Thionville? Eh bien écoutez, sur l'autoroute, dans le sens Metz-Luxembourg, ça roule pas mal, pas de souci. Dans l'autre sens, c'est très chargé, mais bon, c'est tous les jours comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de... Voilà, le trafic, bon, finalement, toujours aussi chargé dans le sens descendant, et voilà. Notamment entre Entrange, là, et hauteur de Thionville, où c'est vrai que c'est particulièrement dense cet après-midi. J'en profite d'ailleurs, Roland, pour rappeler que pour vous qui comptiez prendre peut-être le train dans le sens Luxembourg-Metz, on a eu une panne, oui, d'un train de marchandises un peu plus tôt, ce qui fait que il n'y a pas de train du tout entre Luxembourg et Metz. Et bien. Reprise de la circulation pour 18h15. On va vous tenir informé. Ah, bah alors ça va, si c'est dans une heure. Oui, ça devrait aller. Écoute, on va croiser les doigts, Roland. Vous retrouvez toutes les infos sur francebleu.fr. Roland, quelle était votre question? On recherche une personnalité passée par la Lorraine. Oui, est-ce qu'il était maire de Sarrebourg? Je vous réponds non, Roland. Tant pis. À qui vous pensiez? À Pierre Messmer. Ah bah oui, effectivement, qui est passé par Sarrebourg. Il était né dans une famille alsacienne, finalement, dans le Bas-Rhin, et puis il est passé par la Lorraine. Alors, maire de Sarrebourg de 1971 à 1989, puis ensuite il est passé président du conseil régional de Lorraine. Roland, c'est pas Pierre Messmer, et on ne recherche pas le maire de Sarrebourg, ni un maire, d'ailleurs. J'en profite aussi pour étendre un petit peu les choses. D'accord. Ce n'est pas un maire qu'on recherche cet après-midi. Merci à vous pour votre appel, Roland. Merci et à la prochaine. À très bientôt. Rentrez bien, à très vite. Du côté de Thionville, cet après-midi, où vous nous écoutez sur le 101.5. 17h15 sur France Bleu. Voici Stéphane et Petit K. Mieux comme ça, c'est une nouveauté. Et c'est dans votre playlist France Bleu Lorraine. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de c'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? Tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas, je te dis. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais rien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? Stéphane et Petit K sur France Bleu Lorraine. Si vous aimez les belles chansons, vous serez servi samedi en Moselle avec le Mont-de-l'Ange Pop Rock Festival. Il y a 3 concerts gratuits qui sont au programme à 16h, 17h et 18h. Suivi ensuite du spectacle musical Viva Italia qui va vous permettre d'entendre les plus belles chansons italiennes. Ah, c'est sympa ça. Les 3 concerts de rock sont gratuits. En revanche, l'entrée pour le spectacle Viva Italia est à 15€. C'est samedi soir, c'est à Mont-de-l'Ange, à la salle des fêtes Robert Honecker. Et c'est à ne pas manquer. D'ailleurs, tout à l'heure, on va écouter une chanson italienne avec Gilberto Gil sur France Bleu. Alors ça non plus, c'est à ne pas manquer, le parc animalier de Sainte-Croix qui met son habit d'automne et d'Halloween à partir de dimanche et tout au long de ses vacances d'octobre. 120 hectares de parc à découvrir, 1500 animaux en semi-liberté avec des loups, des cerfs, des bisons qui font toujours leur petit effet. Et je vous offre toute cette semaine et peut-être même déjà aujourd'hui vos 4 places, 4 entrées pour profiter du parc de Sainte-Croix. 4 places pour faire plaisir à toute la famille pendant ces vacances de la Toussaint. C'est le cadeau qui est à remporter si vous me retrouvez ce personnage, cette personnalité mosellane au 03 87 52 13 13. Vous me posez vos questions pour avancer. Je ne peux pas vous aider, mais je peux vous répondre par oui ou par non. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas Pierre Messmer et que ce n'est pas un maire lorrain, notamment le maire de Sarrebourg. Patrice est à Boncourt. Bonjour Patrice. Bonjour Nicolas. Comment ça va à Boncourt? Ça va, c'est Doncourt, hein, avec un D. Doncourt, ah bah oui, bah on m'a marqué Boncourt, c'est pour ça. Non, Doncourt. C'est Doncourt, on est dans quel secteur là, Doncourt, alors Patrice? Je suis à 6 km de Jarny. Ah oui, juste à côté, bah effectivement. Patrice, quelle était votre question? On recherche un personnage, une personnalité qui est passée par la Lorraine. Est-ce que c'est le patron des enfants? Je crois savoir à qui vous pensez. Je vous réponds non. Patrice, non. Bon, c'est à Saint-Nicolas. Voilà, exactement. Et bien sûr, 6 décembre à la fête, et puis des belles festivités aussi qui se préparent dans toute la Moselle, notamment aussi chez nos voisins du 54, justement, Patrice. Oui, bien sûr, oui. Avec ce magnifique défilé à Nancy qui se termine à chaque fois en apothéose sur la place Stanislas et qui exactement, est vraiment à voir. Ouais. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est vraiment à faire. Patrice, ce n'est pas le saint patron des enfants, ni des écoliers, ce n'est pas Saint-Nicolas. Désolé. De rien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Patrice, du côté de Doncourt, cet après-midi. Comme Patrice, vous prenez le téléphone, vous composez le 03 87 52 13 13. Je vous rappelle qu'il y a 4 entrées pour profiter du parc animalier de Sainte-Croix qui vous propose, en plus de ça, c'est vrai, pour ses vacances de la Toussaint, vraiment tout un tas d'animations autour d'Halloween, autour de l'automne. Un safari train exceptionnel, par exemple, pour aller jusqu'à découvrir les bisons d'Amérique. Enfin bref, c'est vraiment superbe, hein, le parc animalier de Sainte-Croix. Et il se redécouvre, parce que même si vous y avez été en été, pendant la période d'automne, avec les feuilles qui tombent, avec la nature environnante, franchement, vous le découvrez d'une autre façon. 03 87 52 13 13, quelle est cette personnalité? Allez, je vous donne un indice supplémentaire, une personnalité qui est passée par la Lorraine, mais qui n'est pas Lorraine de base. Ça élimine déjà quelques propositions. Je vous attends. 03 87 52 13 13. Proposition ou question à me poser. Dès maintenant, on vous attend avec Nora qui décroche à chacun de vos appels. 17h22. Voici Gilberte Gil sur France Bleu Lorraine. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia. O bem com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. Sur France Bleu Lorraine, 17h25, on parle des rêves, nous, demain matin, dans À Votre Service, à partir de 9h sur France Bleu Lorraine. Ilan Malka va vous donner la parole, il sera accompagné d'un psychanalyste qui va analyser vos rêves, vos témoignages, demain matin, juste après le journal de 9h par téléphone. Et puis, si jamais, vous pouvez aussi laisser vos messages vocaux, c'est gratuit, sur notre application, ici, par France Bleu et France 3. Venez nous parler de vos rêves des plus étranges aux plus beaux, émission spéciale sur le sujet, demain, dès 9h sur France Bleu. Votre rêve cette semaine, c'est peut-être de gagner vos places, vos entrées pour le parc animalier de Sainte-Croix, comme je vous comprends. 4 places, ça veut dire que vous allez rentrer ce soir à la maison ou à la fin de semaine et dire à vos enfants, vous savez ce qu'on va faire ce week-end, vous savez ce qu'on va faire pendant les vacances de la Toussaint, on va aller voir les 1500 animaux en semi-liberté. Ils sont à découvrir sur place. En plus de ça, pour occuper les enfants, plein d'animations sur place, saison d'Halloween et saison particulière puisque c'est l'automne au parc animalier de Sainte-Croix et c'est vraiment magnifique à voir. C'est à remporter, ces 4 invitations, pour celui ou celle qui va me retrouver, ce personnage lorrain mosellan que nous recherchons aujourd'hui. En tout cas, un personnage qui est passé par la Lorraine, mais qui n'est pas né en Lorraine. Valentine est à Thionville. Bonjour Valentine. Bonjour. Comment allez-vous ? Ah oh ben ça va, je suis contente d'être à l'antenne. Bah, je suis contente de vous parler aussi, Valentine. Du côté de Thionville, tout va bien, la vie est belle ? Tout va bien, la vie est belle. Bon, parfait. Moi, j'espère vous offrir des invitations pour Sainte-Croix. Vous avez déjà eu l'occasion d'y faire un tour, Valentine ? Non, ce sera une première. Ah, enfin, ça serait super. Bah, genre, mais je croise les doigts. Tout dépend de la proposition que vous allez me faire dans quelques instants. Parc animalier de Sainte-Croix, qui est vraiment, c'est vrai, magnifique. Ça fait partie des grands classiques à aller découvrir là pendant ces vacances de la Toussaint, en pleine nature, sur 120 hectares de parc. Valentine, quelle était votre question ? Est-ce que c'est un sportif professionnel ou une sportive professionnelle ? Je vous réponds non, Valentine. Oui. On ne recherche pas un ou une sportive. Vous pensiez à qui ? À la gardienne des dragons, Camille Depuisé. Ah oui, en plus de ça, qui n'est pas de Moselle, hein, parce que je disais que la personnalité qu'on recherchait n'était pas lorraine. Camille Depuisé est née à Dijon, donc ça aurait pu correspondre. Mais c'est pas elle, je suis désolé. Non, merci. C'est dommage. En tout cas. Bon, ce sera pour une prochaine. Pour une prochaine, Valentine. Restez bien à l'écoute de France Bleu. Et je suis sûr que vous aurez la réponse ces prochains jours. À très bientôt, Valentine, du côté de Thionville. Bonne journée. Bon courage pour les gens sur la route. Merci beaucoup. On va refaire un point d'ailleurs dans un instant sur vos conditions de circulation. Et puis, on va aussi allumer la télé en compagnie de Patrice Gascoigne dans quelques minutes parce que son invité va nous parler du retour d'une série policière sur France 2. À tout de suite. Vous écoutez la radio pour faciliter votre quotidien. Il y a une exonération qui est prévue pour les personnes de plus de 75 ans. Vous êtes bien sur France Bleu Lorraine. Heureusement que j'ai eu l'information grâce à vous parce que j'ai tout de suite bifurqué sur la 31. Merci pour votre émission, elle fait vraiment du bien. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Lorraine, ici, on parle d'ici. La route à 17h30, eh bien c'est compliqué pour retourner du Luxembourg jusqu'en Moselle. Compliqué de passer la croix de Bettembourg et Zouvegun, compliqué aussi entre Confen et hauteur de Thionville. On va avoir quelques ralentissements aussi entre Talange et la croix de Concours. Et puis je vous rappelle ces difficultés TER surtout parce que la circulation est toujours interrompue dans le sens Luxembourg-Metz. On a eu la panne d'un train de marchandises un peu plus tôt cet après-midi. Reprise de la circulation pour 18h15. Hein. Pas de substitution routière possible, c'est ce que nous annonce la SNCF. La météo 100% locale avec le 6717 Hôtel et Spa à Hautrotte pour un séjour romantique ensuite avec spa privé ou pour une journée spa. Info sur 6717hotelspa.com. En attendant, vous nous appelez au 03 87 52 13 13 pour nous signaler vos difficultés de circulation. On est content, il n'y a pas d'incident particulier pour le moment. La météo, on a eu un temps sec cet après-midi, même d'ailleurs un petit peu de soleil. Ça va se couvrir sur cette fin de journée. D'ailleurs, c'est le cas un peu partout sur le département. Quelques gouttes de pluie attendues sur le Pays des Étangs et sur le Luxembourg en cette fin de journée. Les températures 13 degrés en ce moment à Porcelette et Saint-Avold, 14 si vous êtes à Volmerange-les-Boulets et à Saint-Privat. On aura quelques gouttes de pluie aussi pour cette nuit. 7 à 10 degrés en moyenne pour les températures. Ça sera un petit peu plus doux quand même que ces derniers jours. Et puis demain, nuages, éclaircies, averses, ce sera très localisé. Et les températures remontent jusqu'à 16 à 19 degrés pour les maxis. Belle fin de journée avec nous sur France Bleu, 17h31. Info, musique et bonne humeur, votre fin de journée avec France Bleu Lorraine. Nicolas Bill. Avec dans la prochaine demi-heure, Jane qui est à suivre pour la musique. C'est super bien, ça j'adore. On écoutera donc Jane dans quelques minutes et puis on écoutera aussi vos tubes favoris. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter sur l'antenne de France Bleu, vous? Une chanson souvenir, une face B qui ne passe jamais, une chanson que vous n'entendiez plus à l'antenne? Venez nous faire vos propositions dès maintenant au 03 87 52 13 13 et nous on écoute vos choix chaque jour à 17h45. Dans quelques instants, on va allumer la télé pour découvrir une série policière qui sera diffusée dès ce soir sur France 2. Commandant Gabriel Darius. Elle a l'air mignonne, cette histoire de petite poupée, là, ça s'unit comment? On a retrouvé votre ADN dessus. Je suis considéré comme suspect dans cette affaire? Ça dépend, peut-être. C'est ce soir, c'est sur France 2, ça s'appelle Les Invisibles, saison 3, premier épisode diffusé ce soir. Et on vous en parle davantage avec Patrice Gascoin et son invité, ce sera dans 3 minutes. Juste le temps qu'il faut pour monter le son en cette fin de journée et pour entendre la voix suave et sexy de Marc Lavoine en compagnie de Catherine Ringer. Souvenir tout de suite sur France Bleu Lorraine.

Et le nouveau Jane, cet après-midi sur France Bleu Lorraine. Bienvenue à vous, 17h44. Dans le prochain quart d'heure, on file dans la discothèque pour vous retrouver une chanson magnifique signée Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Retour sur le titre Pour que tu m'aimes encore avec Nicolas Les Paul. Ce sera avant le journal de 18h. Tous les matins, France Bleu Lorraine vous aide dans votre quotidien. 9h-10h, à votre service. Salut à tous. Ilan Malka. Demain, dans À Votre Service, nous parlons des rêves. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous avez des rêves récurrents? Quelle signification est-ce que vous voyez dans vos rêves? Est-ce que vous avez déjà fait des rêves prémonitoires? Venez nous raconter, soit en direct, soit dès maintenant sur l'application ici. À Votre Service, demain dès 9h, sur France Bleu Lorraine. Les gentils monstres et sorcières s'invitent au parc animalier de Sainte-Croix. Pendant les vacances de la Toussaint, Sainte-Croix met à l'honneur les créatures fantastiques et vous réserve des aventures monstrueusement amusantes. Nouveaux spectacles et jeux de piste, maquillage effrayant, repas des animaux avec des citrouilles. À Rhodes en Moselle, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, à 1h de Metz, Nancy et Strasbourg. Promotion web exclusive pour tout achat de billets en ligne. Conditions et réservations sur parcsainte-croix.com. Votre fin de journée sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine. Info, musique et bonne humeur. On attend vos inscriptions au 03 87 52 13 13. Chaque jour, c'est vous qui choisissez les chansons qu'on écoute à 17h45. Vous avez carte blanche pour choisir un tube qui vous rappelle des souvenirs ou qui vous parle. Lionel Joly est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes sur Metz. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Eh ben, moi, j'ai une activité, on va dire deux activités. Une première activité, bon, directeur commercial, mais une autre qui me prend autant de temps et qui me passionne tout autant, c'est l'écriture. Voilà. D'accord. Avec et un roman que vous avez écrit dernièrement? Et avec un roman qui vient de sortir, dont le titre est À l'ombre d'un et pourquoi pas. Voilà. D'accord. Ça raconte quoi, voilà. Lionel? Oh, en fait, c'est un peu en rapport avec la chanson que j'ai choisie, puisque bon, on va dire que tout le monde recherche un peu le grand amour, et avec une vie pleine d'embûches au départ, avec des rêves, avec des destins différents, avec mais pour aboutissement, ben, peut-être l'amour, ce que tout le monde peut rechercher. Et moi, en fait, le livre est basé un petit peu sur une rencontre de personnes qui se croisent le plus souvent. Que chacun va retrouver un petit peu son histoire avec des embûches, avec des personnes qui vont contrecarrer leur plan, enfin voilà, etc. Un roman sympa, j'espère, et que tout le monde aimera lire. Voilà, un petit peu l'histoire. Eh ben, c'est super. C'est sorti à quelle édition, Lionel? Alors, c'est l'édition Vérone. Ben, on le retrouve un petit peu sur toutes les plateformes. Et puis, ben, en librairie, peut être commandé aussi. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Même que je pourrais peut-être dédicacer ce type de livre. Eh ben super, ça s'appelle À l'ombre d'un et pourquoi pas, si vous souhaitez. Voilà. On a des talents ici en Lorraine et à Metz, et c'est bien aussi de montrer ce qu'on sait faire. On s'inspire de quoi, justement, quand on est écrivain en Moselle, Lionel? Qu'est-ce qui vous inspire, vous, au quotidien? Ouais, je dirais que moi, un petit peu la vie de tous les jours et tout ce que j'entends de droite, de gauche, et ce que chacun recherche. Et puis, j'ai toujours été un petit peu passionné par le ce qu'on pourrait appeler les chemins qu'on prend ou qu'on prend pas, pourquoi on a pris celui-là, pourquoi on n'a pas pris celui-là, et pourquoi on arrive à un moment donné à croiser peut-être la personne qui va être la personne la plus chère de sa vie, et qu'est-ce qui fait qu'on peut y arriver ou pas, voilà. Donc c'est des questions que tout le monde peut se poser, que moi je me pose en règle générale, plus maintenant, mais qui m'a inspiré, et puis bon, on retrace un petit peu une petite partie de soi-même dans ce type d'ouvrage, et puis en romançant un petit peu les choses, en y mettant un petit peu de trailer aussi, un petit peu de suspense pour que les personnes puissent aller jusqu'au bout sans deviner comment va être la fin. Voilà. Bon, mais avec les choses fondamentales, quoi, de la vie de tous les jours de tout le monde. Voilà. À l'ombre d'un et pourquoi pas. C'est bien noté en tout cas, Lionel, on ira lire ça et avec grand intérêt. C'était quoi le tube que vous aviez envie d'écouter aujourd'hui sur France Bleu? Parce que vous aviez dit justement qu'il y avait un petit rapport avec votre livre. Alors moi, il y a une chanson, je dis pas que je l'écoute en boucle, mais je l'écoute régulièrement, c'est la chanson avec Florent Pagny et Christophe Maé, ouais. Il y a un jour une femme, voilà. Eh ben, qu'on va écouter tout de suite alors, avec grand plaisir, Lionel, c'est un très bon choix, et ça fait partie en plus de la playlist France Bleu. Lionel, je vous souhaite une très belle fin de journée, à très vite. Merci à vous aussi, et puis au plaisir, je vous souhaite une bonne journée à vous et tous les éditeurs. Merci beaucoup, à très bientôt, Lionel, merci pour votre appel. 17h49, Florent Pagny et Christophe Maé, c'est un duo, c'est une nouvelle version des Un jour une femme sur France Bleu Lorraine. D'avoir passé des nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer, d'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues, d'être tombé plus bas que la poussière. Et à la terre entière, en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité, sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme, dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force, recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime, par l'amour qu'elle inonde, l'amour qu'elle inonde. Jour après jour vous redonne confiance, de toute sa patience, vous remet debout. Soit un avenir peut-être,

les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton. Pour que tu m'aimes encore, le collector du jour à retrouver en réécoute sur l'appli ICI par France Bleu et France 3. Vous restez avec nous dans un instant, votre journal de 18h. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Lorraine. Excellent mercredi, excellente fin de journée avec nous sur France Bleu, 18h. Thomas Lavaux, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Météo assez grise ce soir en Moselle et dans le Pays Haut. Oui, avec de la pluie attendue sur le Pays des Étangs et près de la frontière luxembourgeoise. Les températures entre 12 et 14 degrés, mais ça s'annonce un peu mieux pour cette nuit avec des températures plus douces que ces derniers jours. On fait le point juste à la fin de ce journal. Thomas, mieux vaut prévenir que guérir. Au CHR Metz-Thionville, on fait les deux, on guérit et on prévient. Bien que les infections hivernales sont là. Rhinite, pharyngite, bientôt la gastro et la grippe, et puis le Covid qui rôde toujours dans les parages. Et sans vigilance, eh bien, l'hôpital public pourrait encore souffrir cet hiver. Pas de recette magique, il en appelle à la vaccination et aux gestes barrières, sans quoi l'afflux de patients pourrait être difficile à gérer dans les prochains mois. Afflux qui se fait déjà sentir, dit le docteur Céline Robert, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital de Mercy. On a déjà actuellement beaucoup d'infections virales. Alors le Covid revient un peu, la grippe pas encore, mais par contre on a actuellement des rhinovirus qui circulent. On peut avoir des virus para-influenzés, tout autre type de virus, et chez des patients qui sont effectivement affaiblis de par leur âge ou de par leurs antécédents, eh bien ces gens se retrouvent à l'hôpital. Ils sont hospitalisés parce qu'ils sont fatigués, leur faut un peu d'oxygène. Même si c'est une virose, on donnera pas d'antibiotiques, on fera pas grand chose de plus, mais ces gens-là viennent à l'hôpital et effectivement on commence déjà à avoir avoir des services très très surchargés par les viroses de l'hiver, alors qu'on est qu'au mois d'octobre. On se demande là, nous tous à l'heure actuelle, que ce soit les urgentistes ou les médecins des étages, ce que ça va donner, parce que on est très limité en termes de lits, déjà par des viroses de ce type-là. Céline Robert, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Mercy. Les règles n'ont pas changé depuis leur mise en place à l'été. Appelez le 15 avant de se rendre aux urgences et puis sollicitez la médecine de ville avant l'hôpital. Un projet à 450 millions d'euros présenté tout à l'heure à Carlin. Verso Énergie, producteur d'hydrogène français, veut construire dans la commune, juste à côté de la centrale à charbon Émile Huchet, une usine mise en service espérée en 2027. La production serait consacré à des entreprises locales, françaises comme allemandes, voire à terme luxembourgeoises. La phase légale de concertation publique débutera dans pile une semaine et durera 2 mois. Le château de Versailles et 9 aéroports régionaux évacués aujourd'hui. Aéroports dont celui de Strasbourg-Entzheim, bloqué en début d'après-midi. Les évacuations à cause de fausses alertes à la bombe se multiplient après l'attentat d'Arras, notamment dans les lycées. Ce qui mobilise forcément à chaque fois de nombreux policiers, Aurélien Thierard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Aurélien Thierard pour France Bleu Lorraine. Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, qualifie à l'instant les auteurs de ces fausses alertes de, je cite, petits plaisantins qui seront retrouvés et punis. Que risquent les élèves qui ont perturbé la minute de silence hommage à Dominique Bernard lundi dans les établissements scolaires? On se posera la question dans le journal de France Bleu Lorraine à 19h. Bilan revu à la hausse par le gouvernement ce mercredi qui compte désormais 357 perturbations ou contestations. Pour la première fois, une aide humanitaire devrait pouvoir accéder à la bande de Gaza. Depuis l'Égypte, Israël aurait donné son accord, selon Joe Biden, qui se trouve actuellement à Tel Aviv. Le président américain prend la défense de son allié israélien après l'explosion dans un hôpital de Gaza hier soir, explosion qui a fait 471 morts et qui aurait été causée, selon Biden, par un tir de roquette hors de contrôle effectué depuis les territoires palestiniens. De nombreux pays arabes continuent d'accuser Israël d'être responsable ce soir. 18h05 sur France Bleu Lorraine, encore quelques minutes de patience. Oui, la circulation des TER entre Metz et Luxembourg devrait redevenir à la normale d'ici 10 minutes. Elle a redémarré il y a une demi-heure après être restée paralysée pendant 2 heures parce qu'un train de marchandises a essuyé une panne. Galère pour les nombreux travailleurs frontaliers usagers du train, d'autant qu'il n'y a pas eu de quart de remplacement. Il devait normalement disparaître l'an prochain. Eh bien, au contraire, le prêt à taux zéro est prolongé et même développé. De nouvelles communes éligibles en Moselle, Yutz, Thionville, Mézières-lès-Metz, Famec, Florange, dans le nord du département, donc, où se loger est bien compliqué. Le plafond pour être éligible sera revu pour concerner davantage de ménages. En revanche, il ne concernera plus que l'achat d'appartements. Enfin, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football ce midi, dernier tour régional avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Remerin-Villain, la plus petite équipe mosellane encore en lice, affrontera Hombourg-Haut, un spécialiste de la Coupe, 4 divisions d'écart. Gros morceau aussi pour la deuxième et autre équipe de niveau départemental, Cuvry-Oni, qui affrontera Reims-Sainte-Anne, 4 niveaux d'écart là encore. Match les 28 et 29 octobre. Tout le tirage au sort est détaillé sur francebleu.fr, Lorraine Nord, et sur l'application ici par France Bleu et France 3. 18h06. Ça s'améliore sur les rails, sur la route. Comment ça se passe ce soir, Nicolas ? Eh bien, c'est très chargé pour repartir de Luxembourg, évidemment. Hein. Comme pas de train, bah forcément, vous êtes nombreuses et nombreux sur la route. Galère donc entre Luxembourg-Ville et hauteur de la frontière luxembourgeoise. Il y a beaucoup de ralentissements. C'est pas mieux d'ailleurs sur l'autoroute A4 au Luxembourg. Et puis, une fois passé la frontière, vous êtes encore dans une circulation dense entre Canfen et hauteur du pont de Beauregard à Thionville. Plus 15 minutes en moyenne sur votre temps de trajet. Autre difficulté qui peut vous concerner, on est dans le secteur de Montigny-lès-Metz, sur la 31 dans le sens descendant, il y a un poids lourd qui est en panne sur l'autoroute et sur la bande d'arrêt d'urgence. Nous, on attend vos précisions et vos difficultés au 03 87 52 13 13. Allez, courage! La météo 100% locale avec le 77-17 Hôtel et Spa à Hautrotte pour un séjour romantique ensuite avec spa privé ou pour une journée spa. Info sur 7717hotelspa.com. Le ciel est bien couvert en cette fin de journée sur tout le département de la Moselle. Quelques gouttes de pluie sont attendues sur le Luxembourg et sur le pays des étangs, avec des températures comprises entre 12 et 14 degrés pour cette fin de journée à Sarreguemines, Thionville, Metz et Forbach. Quelques gouttes de pluie aussi attendues cette nuit, avec un mercure compris entre 7 et 10 degrés. Ce sera un petit peu plus doux quand même que ces derniers jours. Et puis demain, temps variable entre nuages, éclaircies, averses, qui seront localisés, mais averses quand même, et les températures qui devraient remonter jusqu'à 16 à 19 degrés pour les maxis. Il est 18h08, Thomas Lavaux, c'est l'écho d'ici, l'usine Arkema de Carlin se met au vert. Oui, le groupe chimique investit 130 millions d'euros pour réduire ses émissions de CO2 de 20%. Le directeur du site, Lionel Gernol, était en direct ce matin sur France Bleu Lorraine pour en parler. Il est interrogé par Bastien Munch. On se doit d'inspecter tous nos équipements régulièrement. Et donc tous les ans à Carlin, on arrête tout, on nettoie tout et on vient vérifier que tous nos équipements sont toujours en bon état de manière à redémarrer de manière propre et en sécurité pour l'année qui suit. Ça veut dire qu'il y a plein de... Ça fourmille un peu en ce moment sur le site. Il y a plein de prestataires extérieurs aussi qui viennent pour inspecter l'usine. Ah oui, on multiplie par 3 ou par 4 le nombre de prestataires que l'on a sur le site sur une période très courte où j'ai une véritable fourmilière des gens qui vont ouvrir les équipements, inspecter, refermer pour tout redémarrer. On le disait, Lionel Gernol, Arkema va investir donc 130 millions d'euros sur le site de Carlin pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Quelles opérations vont être faites pour diminuer ces émissions ? Alors, c'est très simple. On a, dans la fabrication de l'acide acrylique, c'est notre principal produit que nous faisons sur la plateforme, on va changer une unité de fabrication, c'est celle qui purifie l'acide, c'est celle aussi qui consomme le plus d'énergie et qui donc émet le plus de CO2, par une unité totalement nouvelle, sur un nouveau procédé, moins énergivore, et qui va donc émettre beaucoup moins de CO2. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? C'était une norme européenne ou française, ou bien c'est le groupe qui a décidé d'agir sur cette pollution ? Alors, je pense qu'en tant qu'industriel de la chimie, on se doit d'accompagner la décarbonation de notre vie, puisque nos produits se retrouvent dans le quotidien, dans l'école, les cosmétiques, les couches culottes. Donc le groupe suit, je dirais, par un plan climat, la baisse du nombre de degrés que l'on doit avoir à horizon 2030-2050. Et Carlin a proposé ce projet de manière à commencer à mettre une première étape dans la décarbonation totale de nos produits. Qu'on se rende bien compte, ça change beaucoup de choses à ce processus de purification ? Ah oui, c'est totalement nouveau. Le processus actuel, il a 40 ans, il est bien maîtrisé. Par contre, là, on va totalement tout changer, simplifier. Donc, c'est une petite remise en cause de notre savoir. Donc, il y aura une grande étape de formation. Et puis, demain, on aura un procédé beaucoup plus vert qui ouvrira notamment de nouvelles étapes pour continuer à verdir l'ensemble de nos produits. Quelles nouvelles étapes ? Là, on commence par Mauvais 20%. On va commencer à travailler sur des matières premières biosourcées. Aujourd'hui, on travaille sur des matières premières issues du monde pétrolier. Et avec ce projet, on va pouvoir travailler à fabriquer de l'acide acrylique avec des bases de produits décarbonés. L'idée, c'est aussi de montrer l'exemple, d'inciter peut-être vos clients à s'y mettre aussi dans cette protection de l'environnement. Vous avez entièrement raison, puis on est les principaux intéressés, puisqu'à la fin, tous ces produits se retrouvent chez nous. Donc on est tous intéressés à acheter demain des produits sans carbone. Lionel Gernol, directeur d'Arkema à Carlin. Interview en réécoute sur francebleu.fr, Lorraine Nord. Info, musique et bonne humeur, votre fin de journée avec France Bleu Lorraine. Nicolas Bille. Bonne soirée à vous, Thomas Lavaux. Merci Nicolas, bonne soirée. Merci à vous. Dans la prochaine demi-heure, on vous emmènera à Cuba avec les Gibson Brothers sur France Bleu Lorraine. Et puis on restera quand même un petit peu chez nous en Moselle, entre Metz et Boulay, plus précisément à Glatigny, pour rencontrer Danielle, une femme qui tient des chambres d'hôtes superbes dans une ancienne ferme du XIIIe siècle. C'est le programme qui vous attend jusqu'à 18h30 sur France Bleu, après Louise Attaque sur France Bleu Lorraine. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chiote pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, elle est pathétique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas paresseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, les pas présentables, les pas jolies, elle est pas moche non plus. Les pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé. Les pas in shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable, et ça je voulais papa déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, c'était Louise Attaque sur France Bleu Lorraine. Vous restez avec nous, dans un instant on écoutera Oshi sur France Bleu, puis on ira faire un détour par la Belgique pour vous parler des box internet, parce que en général quand on souscrit à un contrat internet, le fournisseur impose le modem fibre ou la DSL, mais à partir du 1er novembre en Belgique ça sera bientôt plus le cas, ce seront aux Belges de choisir ce qu'ils veulent. On va vous en dire plus avec Maxence Radovic dans 5 minutes. France Bleu Lorraine, votre après-midi foot. Tous derrière le FC Metz. Bonjour. Bonjour. Thomas Jean-Georges, Thomas Lavaux. 9e journée de Ligue 1, le championnat reprend et il faudra un FC Metz plein de panache. Comme un ouragan, le FC Metz est en danger à Monaco. Monaco, c'est costaud, c'est le leader du championnat. Grand défi pour les Grenats. Coup d'envoi 17h05 sur France Bleu Lorraine. Avec France Bleu Lorraine, vous allez aimer supporter le FC Metz. C'est fou, c'est totalement fou! Mais qu'est-ce qui se passe? Chez Luxair, c'est la folie des promos d'hiver! Il y a 30 euros de réduction sur toutes les réservations de vols vers Bucarest, Berlin-Nice et bien d'autres destinations pour voyager du 1er décembre au 31 mars! Waouh! On s'envole cet hiver! Vite, on a jusqu'au 19 octobre! On y va! On réserve où? Sur luxair.lu ou en agence de voyage? Luxair, envolez-vous en bonne compagnie! votre fin de journée sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine. Info, musique et bonne humeur. Bienvenue sur France Bleu Lorraine. On n'est pas bien ensemble, 18h16, ça se passe... Pas si mal que ça sur la route, malgré quelques ralentissements entre Gavis et Thionville, à hauteur de l'Intermarché sur la D654. Merci à Nicolas pour l'information. 18h16. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus la fête. Quand les étoiles seront ternes pour rester éternelle. Je partirai au milieu de la tempête. Je trace comme caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Elle sera de passage par les arènes de Metz en 2024. C'était Oshi sur France Bleu Lorraine. Allez, chaque jour, Maxence Radovic nous donne toute l'actualité et les différences culturelles chez nos voisins. On part en Belgique aujourd'hui parce qu'il y a de la nouveauté justement en 2024 concernant les box internet. Quand on souscrit un abonnement ADSL chez n'importe quel fournisseur, le modem est imposé et il doit surtout venir de notre fournisseur internet. Nous n'avons pas le choix de prendre celui que l'on souhaite. Le fournisseur donne le même modem de la marque qu'il souhaite à tous ses clients. C'est le cas en France, mais aussi en Belgique. Mais chez nos voisins, ça ne sera bientôt plus le cas. Et ça ne concerne pas uniquement les anciens contrats. Avec les box ADSL, les box fibres sont aussi concernés par cette nouvelle règle. Règle qui a été mise en place il y a quelques jours par l'Institut belge des services postaux et de télécommunications. Elle va donc permettre aux clients de choisir eux-mêmes leur modem internet. Celui-ci ne sera plus imposé par les fournisseurs. Je veux ça. À chaque contrat signé, les fournisseurs en question seront donc obligés de proposer plusieurs modèles de modem ADSL ou fibre en détaillant les informations techniques pour les clients. Car certains modems sont plus sophistiqués que d'autres, plus puissants en qualité de réseau, mais il y a aussi des options de sécurité disponibles avec le Wi-Fi pour par exemple des fichiers stockés sur un cloud. Mais il n'y a que certains appareils qui proposent ces options. Le client sera d'ailleurs même plus obligé de prendre le modem modèles chez ses fournisseurs, puisque l'IBPT vient d'ouvrir le marché du modem. Les Belges pourront donc acheter la marque qu'ils souhaitent, où ils veulent, et leur fournisseur devra s'adapter. Je veux. Cette mesure est mise en place pour rendre le marché de la télécommunication plus compétitif et surtout laisser le choix aux clients du prix, de la durabilité et des options qu'ils désirent sur son modem internet. Pour pouvoir connecter n'importe quelle box à la maison via l'arrivée de la ligne ADSL ou optique, les fournisseurs devront s'adapter en Belgique. Il faudra donc qu'ils s'assurent que chacun de leurs clients puisse connecter sa box sur leur réseau. Les travaux vont donc avoir lieu sur toutes les lignes du pays et d'ici le 1er novembre 2024,